c'est volontaire. Son scooter chandelle et mec, on satisfait la ville entière. J'ai des potes enfermés mec, tu sais que j'aimerais bien les délivrer. Les concurrents sont terrifiés quand ils m'aperçoivent mon délivrer. J'ai blessé, j'en ai pas l'air. Posé sous soleil tout proche de palais. Les îles logées dans leur palais. Ramène-moi du shit, je supporte moi l'air. Je veux pas finir aux arrivants. Je vois les petits, le béton dérivé. Les dégâts de la rue sont affligeants. Regarde, nos amitiés sont déchirées. Je veux pas finir aux arrivants. Les petits, le béton dérivé. Les dégâts de la rue sont affligeants. Car nos amitiés sont agitées. J'en ai plus des labels avant d'en trouver un. On me dit wesh, pour toi c'est chaud comment? Tout ça c'est trop faible. Sur ma route comme ça, pull voir mon sauce. J'ai dû en trouver un. D.I.M. au niveau de la boîte, gros t'as pas trouvé mieux. Prouver un, c'est ce que je fais du 4 depuis le rapport 2. Rapporteuse, je suis dans le cul de ta huss, gros si ça rapporte. Rapide, tu faisais le loup, bientôt tu finis chapeauté. J'ai grandi dans la rue, mais ta capuche, gros finis de rapoter. Je veux pas finir aux arrivants. Je vois les petits, le béton dérivé. Les dégâts de la rue sont affligeants. Regarde, nos amitiés sont déchirées. Je veux pas finir aux arrivants. Je vois les petits, le béton dérivé. Les dégâts de la rue sont affligeants. Regarde, nos amitiés sont déchirées. Je suis bloqué dans le mal, je suis bloqué dans le mal. Higo fait la maille, Higo fait la maille, aïe aïe. Je suis bloqué dans le mal, je suis bloqué dans le mal. Higo fait la maille, Higo fait la maille.